Bien sûr que je te crois, ne t'en fais pas. Oh non non. Allez, souris-moi comme avant. Allez, ne regrette rien maintenant. En partant, en me quittant. Je ne resterai pas seul très longtemps. Oh non non. Alors ne trompe pas pour moi. Alors ne pleure pas, non surtout pas. En partant, en me quittant. Ton amitié ne me suffira pas. Oh non non. Alors pour la dernière fois, alors embrasse-moi, viens dans mes bras. Souris-moi, tout comme autrefois.